Je peux stationner à droite, à cheval sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D.